Préface, suite de ses études historiques. Il est temps de rendre compte de mes propres études. J'ai déduit dans mon avant-propos les raisons pour lesquelles on ne me lira point, les causes pour lesquelles je perds le dernier grand travail de ma vie. Mais enfin, si dans quelques moments dérobé à l'importance des catastrophes du jour, si dans ces courts intervalles de repos qui séparent les événements dans les révolutions, quelques hommes singuliers s'enquéraient de mes recherches, je leur vais épargner la peine d'aller plus avant. Quand on aura jeté un coup d'œil sur cette fin de préface, on sera à même de dire, si l'on veut, qu'on a lu mon ouvrage, de l'approuver et de le combattre sans l'avoir lu, si par hasard on avait le loisir ou la fantaisie de s'occuper d'une controverse littéraire. J'ai donné à la première partie de mon travail le titre d'études historiques, en lui laissant toutefois celui de discours que j'avais d'abord choisi. J'ai pensé que ce titre d'étude convenait mieux à la modestie de mon travail, qu'il me donnait plus de liberté pour parler des diverses choses convergentes à mon sujet et ne m'obligeait pas de tenir incessamment mon style à la hauteur du discours. Dans l'introduction, j'expose mon système. Je définis les trois vérités qui sont le fondement de l'ordre social : la vérité religieuse, la vérité philosophique ou l'indépendance de l'esprit de l'homme, la vérité politique ou la liberté. Je dis que tous les faits historiques naissent du choc de la division ou de l'alliance de ces trois vérités. J'adopte pour vérité religieuse la vérité chrétienne, non pas comme Bossuet en faisant du christianisme un cercle inflexible, mais un cercle qui s'étend à mesure que les lumières et la liberté se développent. Le christianisme a eu plusieurs ères, son ère morale ou évangélique, son ère des martyrs, son ère métaphysique ou théologique, son ère politique. Il est arrivé à son ère ou à son âge philosophique. Le monde moderne prend naissance au pied de la croix. Les nations modernes sont composées des trois peuples, païens, chrétiens et barbares. De là la nécessité pour les bien connaître de remonter à leur origine. De là l'obligation pour l'historien de reprendre les faits au temps d'Auguste, où commencent à la fois l'Empire romain, le christianisme et les premiers mouvements barbares. Ainsi, histoire de l'Empire romain, mêlée à l'histoire du christianisme, lequel attaque au-dedans la société païenne, tandis que les barbares l'assaillent au-dehors. Histoire des invasions successives des barbares, il en faut distinguer deux principales, l'une quand les barbares n'avaient point encore reçu la foi, l'autre lorsqu'ils étaient devenus chrétiens. Principaux vices de l'ancienne société, elle était fondée sur deux abominations, le polythéisme et l'esclavage. Le polythéisme, en faussant la vérité religieuse, l'unité d'un dieu, faussait toutes les vérités morales. L'esclavage corrompait toutes les vérités politiques. Philosophie des païens, ce qu'elle donna au christianisme et ce que le christianisme reçut d'elle. Les philosophes grecs firent sortir la philosophie des temples et la renfermèrent dans les écoles. Les prêtres chrétiens firent sortir la philosophie des écoles et la livrèrent à tous les hommes. Le polythéisme se trouva sous Julien dans la position où le christianisme se trouve de nos jours, avec cette différence qu'il n'y aurait rien aujourd'hui à substituer au christianisme, et que sous Julien, le christianisme était là, tout prêt à remplacer l'ancienne religion. Inutiles efforts de Julien pour faire rétrograder son siècle, le temps ne recule point, et le plus fier champion ne pourrait le faire rompre d'une semelle. Conversion de Constantin, destruction des temples, la vérité politique commence à rentrer dans la société par la morale chrétienne et par les institutions des barbares. Entre les grands changements opérés dans l'ordre social par le christianisme, il faut remarquer principalement l'émancipation des femmes, qui néanmoins n'est pas encore complète par la loi, et le principe de l'égalité humaine, inconnu de l'antiquité polythéiste. Toutes les origines de notre société ont été placées deux siècles trop bas. Constantin, qui remplaça le grand patriciat par une noblesse titrée, et qui changea, avec d'autres institutions, la nature de la société latine, est le véritable fondateur de la royauté moderne dans ce qu'elle conserva de romain. Entre les monarchies barbares et l'empire purement latin-romain, il y a eu un empire romain-barbare qui a duré près d'un siècle avant la déposition d'Augustule. C'est ce qu'on n'a pas remarqué et ce qui explique pourquoi, au moment de la fondation des royaumes barbares, rien ne parut changer dans le monde. Au malheur près, c'était toujours les mêmes hommes et les mêmes mœurs. Arrivé, à travers les faits, jusqu'à l'érection du royaume d'Italie par Odoacre et à celle du royaume des Francs par Clovig, je m'arrête et je présente séparément les trois grands tableaux des mœurs, des lois, de la religion des païens, des chrétiens et des barbares. Concentration de toutes les philosophies et de toutes les religions dans l'Asie hébraïque, persane et grecque, grande école des prophètes, système philosophique, hérésies juives et grecques, affinité des systèmes philosophiques et des hérésies. L'hérésie maintint l'indépendance de l'esprit humain et fut favorable à la vérité philosophique. Là se terminent les études historiques et j'y substitue un nouveau titre pour continuer ma marche. On sait que mon premier plan avait été de faire des discours historiques depuis l'établissement du christianisme en passant par l'Empire romain, les races mérovingiennes et carlovingiennes et la race capétienne, jusqu'au règne de Philippe VI dit de Valois. À ce règne, je me proposais d'écrire l'histoire de France proprement dite et de la conduire jusqu'à la Révolution. Je ne m'étais engagé à publier dans la collection de mes œuvres que les discours historiques. La vie, qui m'échappe, ne me permettant pas d'accomplir mes projets, je me suis déterminé à satisfaire ceux de mes lecteurs qui témoignaient le désir de connaître mon système entier sur l'histoire de notre patrie. En conséquence, je trace une analyse raisonnée de cette histoire sous les deux premières races et sous une partie de la troisième. Quand j'arrive à l'époque où devait commencer mon histoire proprement dite, je donne des fragments des règnes de Philippe de Valois et du roi Jean, notamment les batailles de Crécy et de Poitiers, ayant soin de remplir les lacunes par des sommaires. Après ces deux règnes, je reprends l'analyse raisonnée et je la continue jusqu'à la mort de Louis XVI. Les études ou discours historiques très étendus, qui vont d'Auguste à Augustule, montrent par la profondeur des fondements l'intention où j'étais d'élever un grand édifice. Le temps m'a manqué, je ne pus bâtir sur les masses que j'avais enfoncées dans la terre qu'une espèce de baraque en planches ou en toile peinte à la grosse brosse, représentant tant bien que mal le monument projeté et entremêlé de quelques membres d'architecture sculptés à part sur mes premiers dessins. Quoi qu'il en soit, voici ce que l'on trouve dans le tracé de mon plan, autrement dans mon analyse raisonnée. Pour les deux premières races, j'adopte généralement les idées de l'école moderne. Je ne transforme point les Francs en François. Je vois la société romaine subsister presque tout entière, dominée par quelques barbares, jusque vers la fin de la seconde race. Je suis le système de M. Thierry quant au nom propre de la première et de la seconde race. Rien en effet ne fixe mieux le moment de la métamorphose des Francs en François que les altérations survenues dans les noms. Mais je n'ai pas tout à fait orthographié les noms Francs comme l'auteur des lettres sur l'histoire de France. Je n'écris pas « Holodovig » ou « Clodovig » pour « Clovis ». J'écris « Clovig ». Je blesse moins ainsi, ce me semble, les habitudes de notre œil et de notre oreille. La première syllabe de « Clovis » reste « Clo », K-H-L-O. En l'écrivant « clo », C-H-L-O, la prononciation française obligerait à dire « chelo ». J'ajoute un H au G, comme dans l'allemand, ce qui, adoucissant et mouillant le G, fait comprendre comment le GH a pu se changer en S. Je n'insiste pas sur l'orthographe des autres noms, on la verra. Au surplus, elle est justifiée par les chroniqueurs latins, germaniques et vieux français. Du Tillet et surtout Chantereau Lefebvre l'ont essayé dans quelques noms. Il me semble utile que cette réforme passe enfin dans notre histoire. J'avoue cependant que j'ai été faible à l'égard de Charlemagne. Il m'a été impossible de le changer en Karl le Grand, excepté en citant le moine de Saint-Gall. Que voulez-vous ? On ne peut rien contre la gloire. Quand elle a fait un nom, force est de l'adopter, l'eût-elle mal prononcé. Les Grecs étaient grands corrupteurs de la vérité syllabique. Leur oreille poétique et dédaigneuse, sans s'embarrasser de la vérité historique, ramenait de force les noms barbares à l'euphonie. J'écris aussi Karl le Martel au lieu de Karl Marteau. C'est absolument la même chose dans la vieille langue, et j'espère que l'habitude du Martel fera pardonner au Karl. J'avais commencé des recherches assez considérables sur les Gaulois. L'ouvrage de M. Amédée Thierry a paru et j'ai abandonné mon travail. Il était dans la destinée des deux frères de m'instruire et de me décourager. Mais si je me suis soumis aux heureuses innovations de l'école moderne, je combats aussi quelques-uns de ces sentiments. Je ne puis admettre, par exemple, que les Francs furent des espèces de sauvages tels que ceux chez lesquels j'ai vécu en Amérique. Les faits repoussent cette supposition. Je rejette également la seconde invasion des Francs, laquelle aurait mis les Carlovingiens sur le trône. J'ai dit plus haut les motifs de mon incrédulité. Quant à l'ancienne école, je lui nie sa doctrine de l'hérédité des rois de la première et de la seconde race. Je soutiens que l'élection était partout, qu'il ne pouvait y avoir usurpation là où il y avait élection. Il y a plus, j'avance que l'hérédité est une chose nouvelle dans les successions souveraines, que l'Antiquité européenne tout entière l'a ignorée, que cette hérédité n'a commencé qu'à Hugues Capet, au Xe siècle, par une raison que j'indiquerai dans un moment. L'Antiquité romaine barbare finit vers la fin de la seconde race, et alors s'opère une des grandes transformations de l'espèce humaine par l'établissement de la féodalité. Le Moyen-Âge fut l'ouvrage du christianisme mêlé au tempérament des barbares et aux institutions germaniques. Avant d'entrer dans l'analyse raisonnée des règnes de la troisième race, je montre quelle était la communauté chrétienne et quelle était la constitution de l'Église chrétienne, deux choses différentes l'une de l'autre. Je prouve que l'Église chrétienne était une monarchie élective, représentative, républicaine, fondée sur le principe de la plus complète égalité, que l'immense majorité des biens de l'Église appartenait à la partie plébéienne des nations, qu'une abbaye n'était qu'une maison romaine, que le pape, souvent tiré des dernières classes sociales, était le tribun et le mandataire des libertés des hommes. Que c'était en cette qualité d'unique représentant d'une vérité politique opprimée qu'il avait mission et qualité de juger et de déposer les rois. Je dis qu'à cette époque où le peuple disparut, le peuple se fit prêtre et conserva sous ce déguisement l'usage et la souveraineté de ses droits. C'est l'ère politique du christianisme. Le christianisme dut entrer dans l'État et s'emparer du pouvoir temporel, lorsque toutes les lumières furent concentrées dans le clergé. La liberté est chrétienne. On voit par cet exposé comment mes idées sur le christianisme diffèrent de celles de M. le comte de Maistre et de celles de M. l'abbé de Lamennais. Le premier veut réduire les peuples à une commune servitude, elle-même dominée par une théocratie. Le second me semble appeler les peuples, sauf erreur de ma part, à une indépendance générale sous la même domination théocratique. Ainsi que mon illustre compatriote, je demande l'affranchissement des hommes. Je demande encore, ainsi qu'il le fait, l'émancipation du clergé, on le verra dans ses études. Mais je ne crois pas que la papauté doive être une espèce de pouvoir dictatorial planant sur de futures républiques. Selon moi, le christianisme devint politique au Moyen-Âge par une nécessité rigoureuse. Quand les nations eurent perdu leurs droits, la religion, qui seule alors était éclairée et puissante, en devint la dépositaire. Aujourd'hui que les peuples les reprennent, ces droits, la papauté abdiquera naturellement les fonctions temporelles, résignera la tutelle de son grand pupille, arrivé à l'âge de majorité. Déposant l'autorité politique dont il fut justement investi dans les jours d'oppression et de barbarie, le clergé rentrera dans les voies de la primitive Église alors qu'il avait à combattre la fausse religion, la fausse morale et les fausses doctrines philosophiques. Je pense que l'âge politique du christianisme finit, que son âge philosophique commence, que la papauté ne sera plus que la source pure où se conservera le principe de la foi prise dans le sens le plus rationnel et le plus étendu. L'unité catholique sera personnifiée dans un chef vénérable, représentant lui-même le Christ, c'est-à-dire les vérités de la nature de Dieu et de la nature de l'homme. Que le souverain pontife soit à jamais le conservateur de ces vérités auprès des reliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Laissons dans la Rome chrétienne tout un peuple tomber à genoux sous la main d'un vieillard. Y a-t-il rien qui aille mieux à l'ère de tant de ruines? En quoi cela pourrait-il déplaire à notre philosophie? Le pape est le seul prince qui bénisse ses sujets. La vérité religieuse ne s'anéantira point parce qu'aucune vérité ne se perd, mais elle peut être défigurée, abandonnée, niée dans certains moments de sophisme et d'orgueil, par ceux qui, ne croyant plus au Fils de l'homme, sont les enfants ingrats de la nouvelle synagogue. Or, je ne sache rien de plus beau qu'une institution consacrée à la garde de cette vérité d'espérance où les âmes se peuvent venir désaltérer comme à la fontaine d'eau vive dont parle Isaïe. Les antipathies entre les diverses communions n'existent plus. Les enfants du Christ, de quelque lignée qu'ils proviennent, se sont serrés auprès du calvaire, souche naturelle de la famille. Les désordres et l'ambition de la cour romaine ont cessé. Il n'est plus resté au Vatican que la vertu des premiers évêques, la protection des arts et la majesté des souvenirs. Tout tend à recomposer l'unité catholique. Avec quelques concessions de part et d'autre, l'accord sera bientôt fait. Je répéterai ce que j'ai déjà dit dans cet ouvrage. Pour jeter un nouvel éclat, le christianisme n'attend qu'un génie supérieur venu à son heure et dans sa place. La religion chrétienne entre dans une ère nouvelle. Comme les institutions et les mœurs, elle subit la troisième transformation. Elle cesse d'être politique, elle devient philosophique, sans cesser d'être divine. Son cercle flexible s'étend avec les lumières et les libertés, tandis que la croix marque à jamais son centre immobile. Avec la troisième race se constitue la féodalité, et sous le règne de Philippe Ier paraît le Moyen-Âge dans l'énergie de sa jeunesse. L'âme toute religieuse, le corps tout barbare, l'esprit aussi vigoureux que le bras. L'hérédité et le droit de primogéniture s'établirent dans la personne de Hugues Capet par la cérémonie du sacre. Le sacre, ou l'élection religieuse, a usurpé l'élection politique. J'apporte les preuves de ce fait qu'aucun historien, du moins que je sache, n'avait jusqu'ici remarqué. Les Francs deviennent des Français sous les premiers rois de la troisième race. Il y a eu 4 monarchies, à compter de Hugues Capet à Louis XVI. La monarchie purement féodale et de la grande pairie, la monarchie des États, appelée dans la suite États généraux, la monarchie parlementaire, dans les intermissions des États, la monarchie absolue, qui se perd dans la monarchie constitutionnelle. Incidence de ces diverses monarchies ou grands événements qui s'y attachent, affranchissement des communes, croisades, etc., etc. La monarchie féodale était une véritable république aristocratique fédérative, ou plutôt une démocratie noble, car il n'y avait point de peuple dans cette aristocratie. Il n'y avait point de sujet, il n'y avait que des serfs. Le nom de peuple ne se trouve point à cette époque dans les chroniques, parce qu'en effet le peuple n'existait point. Le peuple commence à renaître sous Louis le Gros, dans les villes par les bourgeois, dans les campagnes par les serfs affranchis et par la recomposition successive de la petite et de la moyenne propriété. Exposé de la féodalité. Quel était le fief? Le fief était le mélange de la propriété et de la souveraineté. La propriété prit le caractère du propriétaire, elle devint conquérante. Le pouvoir, la justice et la noblesse furent attachés à la terre. Cause principale de la longue durée du règne féodal. Preuves et explications à ce sujet. Le fief et l'alleu étaient le combat et la coexistence de la propriété selon l'ancienne société et la propriété selon la société nouvelle. Le monde féodal ne fut qu'un monde militaire où tout reposa, comme dans un camp, entre des chefs et des soldats, sur la subordination et des engagements d'honneur. Sous la féodalité, la servitude germanique remplaça la servitude romaine. Le servage prit la place de l'esclavage, c'est le premier pas de l'affranchissement de la race humaine, et chose étrange, on le doit à la féodalité. Le serf devenu vassal ne fut plus qu'un soldat armé, et les armes délivrèrent ceux qui les portent. Du servage, on a passé au salaire, et le salaire se modifiera encore puisqu'il n'est pas une entière liberté. Louis le Gros n'a point affranchi les communes comme l'a si longtemps assuré l'ancienne école historique, mais le mouvement insurrectionnel général des communes dans le XIe siècle, qu'a remarqué l'école moderne, ne doit être admis qu'avec restriction. Cette école s'est laissée entraîner sur ce point à l'esprit de système. Les croisades ont recomposé les grandes armées modernes, décomposées par les cantonnements de la féodalité. La chevalerie n'a point son origine dans les croisades, les romanciers qui la reportent au temps de Charlemagne n'ont point menti à l'histoire comme on l'a cru. La chevalerie a commencé à la fois chez les morts et chez les chrétiens sur la fin du 8e siècle. L'auteur du poème d'Antar et le moine de Saint-Gall, qui l'un et l'autre écrivaient les exploits des paladins maures et chrétiens, Charlemagne et Aaron Alrachild étaient contemporains, preuve de cette antiquité de la chevalerie par les mœurs, les combats, les armes, les arts, les monuments et l'architecture. Il n'y a point eu de chevalerie collective, mais une chevalerie individuelle. La chevalerie historique a fait naître une chevalerie romanesque. Cette chevalerie romanesque, qui marche avec la chevalerie historique, donne autant moyen un caractère d'imagination et de fiction qu'il est essentiel de distinguer. La monarchie des étangs, dont l'origine remonte au règne de Saint-Louis, quoiqu'on en fixe la date qu'à celui de Philippe le Bel, n'est jamais bien entrée dans les mœurs de la France. Elle a toujours été faible, parce que les deux premiers ordres, le clergé et la noblesse, avaient des constitutions particulières et faisaient peu de cas d'une constitution commune. Le tiers-état, appelé uniquement pour voter des impôts, n'était attentif qu'à se coller à la couronne, afin de se défendre contre les deux autres ordres. La monarchie parlementaire affaiblissait encore les états en usurpant leurs fonctions et leurs pouvoirs. Enfin, le royaume ne formait pas alors un corps homogène. Il avait des états de province, et l'autorité des états de la Languedoc était méconnue à 30 lieues de Paris. Tableau général du Moyen-Âge au moment où la branche des Valois monte sur le trône. Vie prodigieuse de cet âge. Éducation, mœurs privées, arts, etc. Manière indépendante et vigoureuse d'imiter et de s'approprier les classiques. Population et aspect de la France dans le Moyen-Âge. Le sol était couvert de plus de 1 800 000 monuments. Admirable architecture gothique, son histoire, elle a peut-être sa source première dans la Perse. Elle est née du néo-grec asiatique, apportée à la fois par deux religions et par trois chemins en Europe, en Espagne par les Maures, en Italie par les Grecs, en France, en Angleterre et en Allemagne par les Croisés. Ici, je quitte l'analyse raisonnée pour l'histoire même. Règne des Valois, changements sociaux arrivés sous ses règnes, les peuples se nationalisent, l'Angleterre se sépare de la France, dont elle devient la rivale et l'ennemi, elle forme sa constitution et établit ses libertés. Fragments des règnes de Philippe VI et de Jean, son fils, guerre de Bretagne, la France est envahie et désolée, bataille de Crécy et de Poitiers, la haute et première noblesse perd les trois grandes batailles de Crécy, de Poitiers et d'Azincourt et périt presque tout entière. Une seconde noblesse paraît, cette seconde aristocratie délivre la France des Anglais et se montre pour la dernière fois à Ivry. L'armée plébéienne ou nationale commence sous Charles VII, s'augmente. La poudre, en changeant la nature des armes, sert à détruire l'importance militaire de la noblesse qui finit par donner des officiers à l'armée dont jadis elle composait les soldats. Si le système des gardes nationales se généralise, il détruira l'armée permanente. On retournera au lever en masse du Moyen-Âge. Le banc et l'arrière-ban plébéien remplaceront le banc et l'arrière-ban noble. À l'époque des guerres d'Édouard III, la couleur nationale française était le rouge et la couleur nationale anglaise le blanc. Édouard prit le rouge comme roi de France et nous quittâmes cette couleur devenue ennemie. Le traité de Bretigny ne mutila pas la France comme on l'a cru. Philippe ne céda presque rien des provinces de la couronne. Il n'y eut que des seigneurs particuliers qui changèrent de suzerain. Cela ne se pourrait comparer en aucune sorte au démembrement de la France homogène d'aujourd'hui. Pourquoi ne trouve-t-on dans notre histoire qu'une centaine de noms historiques? Parce que les chroniqueurs sous la monarchie féodale n'ont fait que l'histoire du duché de Paris et que les écrivains sous la monarchie absolue n'ont donné que l'histoire de la cour. Après le règne de Philippe de Valois, je quitte l'histoire et je rentre dans l'analyse raisonnée. Tableau des malheurs de la France pendant la captivité du roi Jean. Charles V et du Guesclin viennent ensemble et l'un pour l'autre, intimité de leur destinée, Paris se transforme en 1357 en une espèce de démocratie ancienne au milieu de la féodalité. Fameux état de cette époque, Charles le Mauvais, roi de Navarre, ses desseins contre le roi Jean. Mettre un souverain en jugement n'est point une idée qui appartienne au temps où nous vivons. preuves historiques que l'aristocratie et la théocratie ont jugé et condamné des rois longtemps avant que la démocratie ait suivi cet exemple. Article remarquable et généralement ignoré du testament de Charlemagne, lequel article suppose que les fils et petits-fils de ce grand prince et de ce grand homme, tous rois qu'ils étaient, peuvent être judiciairement tondus, mutilés et condamnés à mort. Le soulèvement des paysans, les fureurs de la jacquerie, l'existence des grandes compagnies, furent des malheurs qui pourtant engendrèrent l'armée nationale. Les mouvements des hommes rustiques dans le Moyen-Âge n'indiquaient que l'indépendance de l'individu, cherchant à se faire jour au défaut de la liberté et de l'espèce. Charles le Sage, médecin patient, la main appuyée sur le cœur de la France et sentant la vie revenir, parlait en maître. Il sommait le prince noir de comparaître en son tribunal, envoyait un huissier appréhender au corps ce vainqueur de Poitiers et signifiait un exploit à la gloire. Calamité du règne de Charles VI, règne qui s'écoula entre l'apparition d'un fantôme et celle d'une bergère. Quelle fut la pucelle ? Trois grands poètes l'ont chanté et comment ? Shakespeare, Voltaire et Schiller. Charles VII. La monarchie féodale se décompose sous le règne de ce roi, il n'en reste plus que les habitudes. Changements capitaux, armée permanente et impôts non votés, les deux pivots de la monarchie absolue. Formation du Conseil d'État, séparation de ce Conseil du Parlement et des États généraux. Du point où la société était parvenue sous Charles VII, il était loisible d'arriver à la monarchie libre ou à la monarchie absolue. On voit clairement le point d'intersection et d'embranchement des deux routes. Mais la liberté s'arrêta et laissa marcher le pouvoir. La cause en est qu'après la confusion des guerres civiles et étrangères, qu'après les désordres de la féodalité, le penchant des choses était vers l'unité du principe gouvernemental. La monarchie en ascension devait monter au plus haut point de sa puissance. Il fallait qu'en écrasant la tyrannie de l'aristocratie, elle eût commencé à faire sortir la sienne avant que la liberté pût régner à son tour. Ainsi se sont succédés en France, dans un ordre régulier, l'aristocratie, la monarchie et la République. La noblesse, la royauté et le peuple, ayant abusé de la jouissance, ont enfin consenti à vivre en paix dans un gouvernement composé de leurs trois éléments. Louis XI vint faire l'essai de la monarchie absolue sur le cadavre palpitant de la féodalité. Ce personnage placé sur les confins du Moyen-Âge et des temps modernes, né à une époque sociale où rien n'était achevé et où tout était commencé, eut une forme monstrueuse, indéterminée, particulière à lui, et qui tenait des deux tyrannies entre lesquelles il se montrait. Ses mœurs, ses idées, sa politique. Justification de la dernière. Quand Louis XI disparaît, les ruines de l'Europe féodale achèvent de s'écrouler. Constantinople est pris, les lettres renaissent, l'imprimerie est inventée, l'Amérique au moment d'être découverte. La grandeur de la maison d'Autriche se fait pressentir par le mariage de l'héritière de Bourgogne dans la famille impériale, Henri VIII, Léon X, Charles Quint, Luther, avec la Réformation, ne sont pas loin. Vous êtes au bord d'un nouvel univers. Le point le plus élevé de la monarchie des trois États se trouve sous le règne de Charles VIII et de Louis XII. Charles VIII épouse Anne, héritière du duché de Bretagne, guerre d'Italie. Dès que les rois de France eurent brisé le dernier anneau de la chaîne aristocratique, ils purent marcher hors de leur pays à la tête de la nation. Louis XII épouse la veuve de Charles VIII. La Bretagne fut le dernier grand fief qui revint à la couronne. La monarchie féodale, commencée par le démembrement successif des provinces du royaume, finit par la réunion successive de ces provinces au royaume, comme les fleuves sortis de la mer retournent à la mer. Événement du règne de François Ier, on ne retrouve plus l'original du billet, tout est perdu, fort l'honneur, mais la France qu'il aurait écrit le tient pour authentique. Transformation sociale de l'Europe. La découverte de l'Amérique, arrivée sous Charles VIII en 1492, produisit une révolution dans le commerce, la propriété et les finances de l'Ancien Monde. L'introduction de l'or du Mexique et du Pérou baissa le prix des métaux éleva celui des denrées et de la main-d'œuvre, fit changer de main la propriété foncière et créa une propriété inconnue jusqu'alors, celle des capitalistes, dont les Lombards et les Juifs avaient donné la première idée. Avec les capitalistes naquit la population industrielle et la constitution artificielle des fonds publics. Une fois entrée dans cette route, la société se renouvela sous le rapport des finances comme elle s'était renouvelée sous les rapports moraux et politiques. Aux aventures des croisades succédèrent des aventures d'outre-mer d'une toute autre importance. Le globe s'agrandit, le système des colonies modernes commença, la marine militaire et marchande s'accrut de toute l'étendue d'un océan sans rivage. La petite mer intérieure de l'ancien monde ne resta plus qu'un bassin de peu d'importance lorsque les richesses des Indes arrivèrent en Europe par le cap des tempêtes. À 4 années de distance, Charles Quint triomphait de Montezumé à Mexico et de François Ier à Pavie. Il y a des époques où la société se renouvelle, où des catastrophes imprévues, des hasards heureux ou malheureux, des découvertes inattendues déterminent un changement préparé de longue main dans le gouvernement, les lois et les mœurs. Les guerres de François Ier, de Charles Quint et de Henri VIII mêlèrent les peuples et les idées se multiplièrent. Quand Bayard acquérait le haut renom de prouesse, c'était au milieu de l'Italie moderne, de l'Italie dans toute la fraîcheur de la civilisation renouvelée. C'était au milieu des palais bâtis par Bramante et Michel-Ange, de ces palais dont les murs étaient couverts de tableaux récemment sortis des mains des plus grands maîtres. C'était à l'époque où l'on déterrait les statues et les monuments de l'Antiquité. Des armées régulières, connues en Europe depuis la fin du règne de Charles VII, firent disparaître le reste des milices féodales. Les braves de tous les pays se rencontrèrent dans ces troupes disciplinées. Ces infidèles que les chevaliers allaient, avec Saint-Louis, chercher au fond de la Palestine, maîtres de Constantinople et devenus nos alliés, intervenaient dans notre politique. Tout changea dans la France. Les vêtements même s'altérèrent. Il se fit des anciennes et des nouvelles mœurs un mélange unique. La langue naissante fut écrite avec esprit, finesse et naïveté par la sœur de François Ier, par François Ier lui-même, qui faisait des vers aussi bien que Marot, par Rabelais, Amyot, les deux Marot et les auteurs de mémoire. L'étude des classiques, celle des lois romaines, l'érudition générale furent poussées avec ardeur. Les arts acquirent un degré de perfection qu'ils n'ont jamais surpassé depuis. La peinture éclatante en Italie fut transplantée dans nos forêts et dans nos châteaux gothiques. Ceux-ci virent leurs tourelles et leurs créneaux se couronner des ordres de la Grèce. Anne de Montmorency, qui disait ses patenôtres, ornait Écouen de chefs-d'œuvre. Le primatis embellissait Fontainebleau. François Ier, qui se faisait armer chevalier comme au temps de Richard Cœur de Lion, assistait à la mort de Léonard de Vinci et recevait le dernier soupir de ce grand peintre. Auprès de cela, le connétable de Bourbon, dont les soldats, comme ceux d'Alaric, se préparaient à saccager Rome, ce connétable, qui devait mourir d'un coup de canon tiré peut-être par le graveur Benvenuto Cellini, représentait dans ces terres de France la puissance et la vie d'un ancien grand vassal de la couronne. La Réformation est l'événement majeur de cette époque. Elle réveilla les idées de l'antique égalité, porta l'homme à s'enquérir, à chercher, à apprendre. Ce fut à proprement parler la vérité philosophique qui, revêtue d'une forme chrétienne, attaqua la vérité religieuse. La Réformation servit puissamment à transformer une société toute militaire en une société civile et industrielle. Ce bien est immense, mais ce bien a été mêlé de beaucoup de mal, et l'impartialité historique ne permet pas de le taire. Le christianisme commença chez les hommes par les classes plébéiennes, pauvres et ignorantes. Jésus-Christ appela les petits, et ils allèrent à leur maître. La foi monta peu à peu dans les hauts rangs, et s'assit enfin sur le trône impérial. Le christianisme était alors catholique ou universel. La religion, dite catholique, partit d'en bas pour arriver au sommité social. Nous avons vu que la papauté n'était que le tribunat des peuples dans l'âge politique du christianisme. Le protestantisme suivit une route opposée. Il s'introduisit par la tête de l'État, par les princes et les nobles, par les prêtres et les magistrats, par les savants et les gens de lettres, et il descendit lentement dans les conditions inférieures. Les deux empreintes de ces deux origines sont restées distinctes dans les deux communions. La communion réformée n'a jamais été aussi populaire que la communion catholique. De race princière et patricienne, elle ne sympathise pas avec la foule. Équitable et morale, le protestantisme est exact dans ses devoirs, mais sa bonté tient plus de la raison que de la tendresse. Il vêtit celui qui est nu, mais il ne le réchauffe pas dans son sein. Il ouvre des asiles à la misère, mais il ne vit pas et ne pleure pas avec elle dans ses réduits les plus abjects. Il soulage l'infortune, mais il n'y compatit pas. Comparaison du prêtre catholique et du ministre protestant. La Réformation ressuscita le fanatisme qui s'éteignait. En retranchant l'imagination des facultés de l'homme, elle coupa les ailes au génie et le mit à pied. Goethe et Schiller n'ont paru que quand le protestantisme, abjurant son esprit sec et chagrin, s'est rapproché des arts et des sujets de la religion catholique. Celle-ci a couvert le monde de ses monuments. On lui doit cette architecture gothique qui rivalise par les détails et qui efface par la grandeur les monuments de la Grèce. Il y a 3 siècles que le protestantisme est né. Il est puissant en Angleterre, en Allemagne, en Amérique. Il est pratiqué par des millions d'hommes. Qu'a-t-il élevé? Il vous montrera les ruines qu'il a faites, parmi lesquelles il a planté quelques jardins ou établi quelques manufactures. Rebelle à l'autorité des traditions, à l'expérience des âges, à l'antique sagesse des vieillards, le protestantisme se détacha du passé pour planter une société sans racines. Avouant pour père un moine allemand du XVIe siècle, le réformé renonça à la magnifique généalogie qui fait remonter le catholique par une suite de saints et de grands hommes jusqu'à Jésus-Christ, de là jusqu'au patriarche et au berceau de l'univers. Le siècle protestant dénia à sa première heure toute parenté avec le siècle de ce Léon, protecteur du monde civilisé contre Attila, et avec le siècle de cet autre Léon qui, mettant fin au monde barbare, embellit la société lorsqu'il n'était plus nécessaire de la défendre. Si la Réformation rétrécissait le génie dans l'éloquence, la poésie et les arts, elle comprimait les grands cœurs à la guerre. L'héroïsme et l'imagination dans l'ordre militaire, le catholicisme avait produit des chevaliers, le protestantisme fit des capitaines braves et vertueux, mais sans élan. Il n'aurait pas fait Duguesclin, La Hire et Bayard. On a dit que le protestantisme avait été favorable à la liberté politique et avait émancipé les nations. Les faits parlent-ils comme les personnes? Jetez les yeux sur le nord de l'Europe, dans les pays où la Réformation est née, où elle s'est maintenue, vous verrez partout l'unique volonté d'un maître. La Suède, la Prusse, la Saxe sont restées sous la monarchie absolue. Le Danemark est devenu un despotisme légal. Le protestantisme échoua dans les pays républicains, il ne put envahir Gênes, et à peine obtint-il à Venise et à Ferrare une petite église secrète qui tomba. Les arts et le beau soleil du midi lui étaient mortels. En Suisse, il ne réussit que dans les cantons aristocratiques analogues à sa nature, et encore avec une grande effusion de sang. Les cantons populaires ou démocratiques, Schwyz, Uri et Unterwald, berceau de la liberté helvétique, le repoussèrent. En Angleterre, il n'a point été le véhicule de la constitution formée avant le XVIe siècle, dans le giron de la foi catholique. Quand la Grande-Bretagne se sépara de la cour de Rome, le Parlement avait déjà jugé et déposé des rois, les 3 pouvoirs étaient distincts. L'impôt et l'armée ne se levaient que du consentement des lords et des communes, la monarchie représentative était trouvée et marchait. Le temps, la civilisation, les lumières croissantes y auraient ajouté les ressorts qui lui manquaient encore, tout aussi bien sous l'influence du culte catholique que sous l'empire du culte protestant. Le peuple anglais fut si loin d'obtenir une extension de ses libertés par le renversement de la religion de ses pères que jamais le Sénat de Tibère ne fut plus vil que le Parlement de Henri VIII. Ce parlement alla jusqu'à décréter que la seule volonté du tyran fondateur de l'Église anglicane avait force de loi. L'Angleterre fut-elle plus libre sous le sceptre d'Élisabeth que sous celui de Marie? La vérité est que le protestantisme n'a rien changé aux institutions. Là où il a rencontré une monarchie représentative ou des républiques aristocratiques, comme en Angleterre et en Suisse, il les a adoptées. Là où il a rencontré des gouvernements militaires comme dans le nord de l'Europe, il s'en est accommodé et les a même rendus plus absolus. Si les colonies anglaises ont formé la République plébéienne des États-Unis, elles n'ont point dû leur émancipation au protestantisme. Ce ne sont point des guerres religieuses qui les ont délivrées. Elles se sont révoltées contre l'oppression de la mère patrie protestante comme elles. Le Maryland, État catholique, fit cause commune avec les autres États, et aujourd'hui la plupart des États de l'Ouest sont catholiques. Les progrès de la communion romaine dans ce pays de liberté passent toute croyance, tandis que les autres communions y meurent dans une indifférence profonde. Enfin, auprès de cette grande république de colonies anglaises protestantes, viennent de s'élever les grandes républiques des colonies espagnoles catholiques. Certes, celles-ci, pour arriver à l'indépendance, ont eu bien d'autres obstacles à surmonter que les colonies anglo-américaines nourries au gouvernement représentatif avant d'avoir rompu le faible lien qui les attachait au sein maternel. Une seule république et quelques villes libres se sont formées en Europe à l'aide du protestantisme. La République de la Hollande et les villes hanséatiques. Mais il faut remarquer que la Hollande appartenait à ces communes industrielles des Pays-Bas, qui pendant plus de 4 siècles luttèrent pour secouer le joug de leurs princes et s'administrèrent en forme de république municipale, toutes ailées catholiques qu'elles étaient. Philippe II et les princes de la maison d'Autriche ne purent étouffer dans la Belgique ce souci d'indépendance, et ce sont des prêtres catholiques qui viennent aujourd'hui même de la rendre à l'État républicain. Preuves et développements de tous ces faits, jusqu'ici méconnus ou défigurés. Après ces preuves, je fais observer que dans mes investigations, je ne parle des protestants qu'au passé. Changés à leur avantage, ils ne sont plus ce qu'ils étaient au temps de Luther, d'Henri VIII et de Calvin. Ils ont gagné ce que les catholiques ont perdu. Le règne des seconds Valois, depuis François Ier jusqu'à Henri III, la Saint-Barthélemy, la Ligue, les guerres civiles, sont le temps de la terreur aristocratique et religieuse, de laquelle est née la monarchie absolue des Bourbons, comme le despotisme militaire de Buonaparte est sorti du règne de la terreur populaire et politique. La liberté succomba après la Ligue parce que le passé, qui mit les Guises à sa tête, arrêta l'avenir. Faits et personnages de cette époque, la Saint-Barthélemy, Charles IX, mort de ce prince, son repentir. Charles IX avait dit à Ronsard, dans des vers dont Ronsard aurait dû imiter le naturel et l'élégance, « Tous deux également nous portons des couronnes, mais roi, je la reçois, poète, tu la donnes. » Heureux si ce prince n'avait jamais reçu de couronne doublement souillée de son propre sang et de celui des Français. Ornement de tête incommode pour s'endormir sur l'oreiller de la mort. Le corps de Charles IX fut porté sans pompe à Saint-Denis, accompagné par quelques archers de la garde, par 4 gentilshommes de sa chambre et par Brantôme, raconteur cynique, qui moulait les vis des grands comme on prend l'empreinte du visage des morts. Henri III, la Ligue. Sous la Ligue, le peuple ne marchait point devant ses affaires. Il était à la queue des grands. Il n'avait point formé un gouvernement à part. Il avait pris ce qui était. Seulement, il se faisait servir par le Parlement et avait transformé ses curés en tribuns. Quand Mayenne le jugeait à propos, il ordonnait de pendre qui de droit parmi le peuple et les 16. Les Pays-Bas se veulent donner à Henri III qui les refuse. La France, par une destinée constante, manque encore l'occasion de porter ses frontières aux rives du Rhin. Journée des barricades, l'histoire vivante a rapetissé ces faits de l'histoire morte, si fameuse autrefois. Qu'est-ce en effet que la journée des barricades, que la Saint-Barthélemy même, auprès de ces grandes insurrections du 7 octobre 1789, du 10 août 1792, des massacres du 2, du 3 et du 4 septembre de la même année, de l'assassinat de Louis XVI, de sa sœur et de sa femme, et enfin de tout le règne de la terreur. Et comme je m'occupais de ces barricades qui chassèrent un roi de Paris, d'autres barricades faisaient disparaître en quelques heures trois générations de rois. L'histoire n'attend plus l'historien, il trace une ligne, il emporte un monde. La journée des barricades ne produisit rien parce qu'elle ne fut point le mouvement d'un peuple cherchant à conquérir sa liberté. L'indépendance politique n'était point encore un besoin commun. Le duc de Guise n'essayait point une subversion pour le bien de tous. Il convoitait une couronne. Il méprisait les Parisiens tout en les caressant et n'osait trop s'y fier. Il agissait si peu dans un cercle d'idées nouvelles que sa famille avait répandu des pamphlets qui la faisaient descendre de Lothaire, duc de Lorraine. Il en résultait que les Capets étaient des usurpateurs et les Lorrains les légitimes héritiers du trône comme dernier rejeton de la lignée carlovingienne. Cette fable venait un peu tard, les Guises représentaient le passé. Ils luttaient dans un intérêt personnel contre les Huguenots, révolutionnaires de l'époque, qui représentaient l'avenir. Or, on ne fait point de révolution avec le passé, on ne fait que des contre-révolutions. Ainsi, tout s'opérait sans une de ces grandes convictions de doctrine politique, sans cette foi à l'indépendance qui renverse tout. Il y avait matière à trouble, il n'y avait pas matière à transformation, parce que rien n'était assez édifié, rien assez détruit. L'instinct de liberté ne s'était pas encore changé en raison. Les éléments d'un ordre social fermentaient encore dans les ténèbres du chaos. La création commençait, mais la lumière n'était pas faite. Même insuffisance dans les hommes. Ils n'étaient assez complets, ni en défaut, ni en qualité, ni en vice, ni en vertu, pour produire un changement radical dans l'État. À la journée des barricades, Henri III et le duc de Guise restèrent au-dessous de leur position, l'un failli de cœur, l'autre de crime. Plus d'orgueil que d'audace, plus de présomption que de génie, plus de mépris pour le roi que d'ardeur pour la royauté, voilà ce qui apparaît dans la conduite du duc de Guise. Il intriguait à cheval, comme Catherine, dans son lit. Libertin sans amour, ainsi que la plupart des hommes de son temps, il ne rapportait du commerce des femmes qu'un corps affaibli et des passions rapetissées. Il avait toute une religion et toute une nation derrière lui, et les coups de poignard firent le dénouement d'une tragédie qui semblait devoir finir par des batailles, la chute d'un trône et le changement d'une race. La journée des barricades, si infructueuse, lui resta cependant à grand honneur dans son parti. Mais quel miracle avons-nous vu depuis 18 mois qu'il a fait à l'aide de Dieu? Qui est-ce qui peut parler de la journée des barricades sans grande admiration, voyant un si grand peuple qui jamais n'a sorti des portes de sa ville pour porter armes, ayant vu à l'ouverture de sa boutique les escadrons royaux, tous armés, dressés par toutes les grandes et fortes places de la ville, se barricader en si grande diligence qu'il rembarra tous ses escadrons jusque dans le Louvre, sans effusion de sang, oraison funèbre des ducs et cardinals de Guise. La ressemblance des éloges et des mots avec ce que nous lisons tous les jours donne seul quelque prix à ce passage oublié dans un pamphlet de la Ligue. On a tant de fois peint le caractère de Catherine de Médicis qu'elle ne présente plus qu'un lieu commun usé. Une seule remarque reste à faire. Catherine était italienne, fille d'une famille marchande, élevée à la principauté dans une république. Elle était accoutumée aux orages populaires, aux factions, aux intrigues, aux empoisonnements, aux coups de poignard. Elle n'avait et ne pouvait avoir aucun des préjugés de l'aristocratie et de la monarchie française. Cette morgue des grands, ce mépris pour les petits, ces prétentions de droit divin, cette soif du pouvoir absolu, en tant qu'il était le monopole d'une race. Elle ne connaissait pas nos lois et s'en souciait peu. On la voit s'occuper de faire passer la couronne à sa fille. Incrédule et superstitieuse, ainsi que les Italiens de son temps, en sa qualité d'incrédule, elle n'avait aucune aversion contre les protestants et elle ne les fit massacrer que par politique. Enfin, si on la suit dans toutes ses démarches, on s'aperçoit qu'elle ne vit jamais dans le vaste royaume dont elle était souveraine qu'une Florence agrandie, que les émeutes de sa petite république, que les soulèvements d'un quartier de sa ville natale contre un autre quartier, que la querelle des Pazzi et des Médicis dans la lutte des Guises et des Châtillons. Détails circonstanciés de l'assassinat du Balafré à Blois. La réunion des protestants aux catholiques, après cet assassinat, fit avorter les libertés. Jacques Clément, mort de Henri III, tableau général des hommes et des mœurs sous les derniers Valois, et histoire de ces mœurs par les pamphlets de cette époque. Débauche, cruauté, assassins à gages, femmes, mignons, protestants, magistrants, la presse ou les idées jouent pour la première fois un rôle important dans les affaires humaines. Ce qu'il y a à dire en faveur des Valois. Leur siècle est le véritable siècle des arts et non celui de Louis XIV. Henri IV lui-même eut quelque chose de moins royal et de moins noble que les princes dont il reçut la couronne. Tous ensemble sont écrasés par les Guises, véritables rois de ces temps.